takıldı eğer kafaya takarsam yavaşlatır. Aynalar kırıldı, aynalara inanmadım. Aynalar kandırdı, her zaman ben hiç kırılmadım. Zamansız öttü bir kesim, zararlılarla değişim. Sıkıldım yazdı sağ elim, beynimde gizli mabedim. Bak açıldı perde, yeni başım efkar. Dağıldım bir zaman fakat birleştim tekrar. Yürekli ol, düşünme kardeş, ben inandım. Sen de inan, sen de sabret, sende de bu güç var. Bak açıldı perde, yeni başım efkar. Dağıldım bir zaman fakat birleştim tekrar. Yürekli ol, düşünme kardeş, ben inandım. Sen de inan, sen de sabret, sende de bu güç var. Boşluğa bakarken buldum birçok kez kendimi. Hey quand même, hein, Jean-Michel, il nous a sorti un matériel assez 70 pour 16. Ce qu'on va faire, c'est laisser le finir, le motiver. À moins qu'il vienne de finir, là, penses-tu? On va cliquer. Ah ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être pas mal la fin de F-Core Perdesi. Ça a pris ici. Bon, ben ok, là, je vais aller chercher notre Toon-Them parce que c'est encore ça, la Toon-Them, malgré l'absence évidente de mon collègue Simon-Pierre qui a des choses tellement plus importantes à faire. Je sais pas du quoi. Ça doit être dominer le monde à sa façon. On a chacun notre recette. Ah, mais sinon, malgré mon solitarisme et ma schizophrénie galopante, parce que je vais quand même me permettre de faire salut à mes invités mimes qui sont en studio, parce qu'on a le président de la confrérie québécoise des mimes. Bonjour, monsieur. Il fait salut. Aussi, j'ai des extraits de Rage, un excellent film avec Gary Daniels, et je me suis permis également d'amener la chronique que j'avais écrite jadis, Nagas, sur le susmentionné Gary Daniels. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai amené quelques extraits, ben en fait, quelques trames sonores de je vais le dire comme faux, là, je suis en train de plugger des affaires, faire plein d'affaires en même temps, là. Ce que j'ai amené, c'est des tunes thèmes de shows pour enfants, vraiment pas très bonnes. Fait qu'on va commencer avec ça juste après que mon collègue ait fini de gueuler. On va écouter quoi? Est-ce qu'on écoute Spectreman, XOR? Je pense qu'on va aller écouter XOR qui est... en tout cas, ouais, c'est ça, 70%. 70%. Sinon, aussi, vous allez être content d'apprendre que pendant l'émission d'aujourd'hui, quand je vais parler à moi ou à mon ami le mime, le président mime du Québec, ben ça va être la soundtrack de Donkey Kong Country 2 qui va jouer en background d'un vieux jeu de Nintendo, bien sûr. Pour l'instant, on écoute XOR, le chéri shérif de l'espace. Yeah. Je pense qu'on a compris. Xor, c'est le shérif de l'espace. Il s'occupe de notre galaxie à lui seul. Il lève les bras de la justice. Oh, ça commence à faire des bidous, ça, monsieur. Ça commence effectivement à faire du bidou. On imagine surveiller la galaxie au complet. Comment ça doit être un petit peu difficile. Là, pour l'instant, j'ai quelques séquences du très merveilleux Rage. On va aller ici à 1 minute 10 parce que là, j'ai tout sorti. Là, ça va être super plate. Là, je cherchais ça. Là. Et voilà, on va écouter ici le policier corrompu. Il faut que tu me trouves 50 hommes. 50? Tu le sauras, Kelly. C'est un plaisir de travailler pour toi. J'en voudrais deux très costauds, pas des maigrichons comme ceux que tu m'as fournis jusqu'ici. Oh, ils sont peut-être maigrichons, mais ils sont travailleurs. À ce coup-ci, c'est pas pour travailler. Tu les veux pour quoi faire? Oh, c'est dans le cadre d'un projet de recherche scientifique, amigo. Tu les veux pour West Tech? On en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai dit jamais, amigo. Je suis venu et je les aurai, amigo. Pour commencer, je vais embarquer tous les clandestins qui sont ici et j'en veux 50 de plus. Au fait, où est-ce qu'il est, mon pognon? Je pense qu'on a compris un petit peu le fin fond de l'histoire. Ce qui se passe, c'est que le shérif ici corrompu est le représentant d'une digne compagnie pharmaceutique qui travaille pour une aile obscure du gouvernement néolibéral américain. Là, on est dans l'État qui vous tente. Et puis, ben, Gary Daniels, ce qui arrive, c'est que c'est un professeur du primaire qui travaille dans une école pas trop loin de où la séquence qu'on vient d'entendre s'est produite. Et puis là, ben, juste ici pour vous convaincre de la gentillesse, en fait, de Gary Daniels, de sa pertinence en tant que papa. On va l'écouter ici en voiture avec sa petite fille. Ça va être de toute beauté. Je reviens tout de suite, Marie. Papa, pourquoi tu chantes pas? Tu veux vraiment que je chante? Tu risques d'être déçu. Allons-y. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop... Il niaise pas avec ça, le Gary, hein. Ton moulin, il va ben trop vite, Meunier. Ça a pas de bon sens. C'est ça qui arrive, en fait. C'est que Gary, il va à l'école, il travaille, il a sa famille, tout va pour le mieux. Et c'est alors qu'à un moment donné, il se fait, prendre là, au point du fusil, là, kidnappé dans son véhicule là, par le Mexicain qu'on a entendu tantôt, qui est rendu un fugitif de la police corrompue. Et puis là, là c'est là que ça déboule, hein, on s'en doutera. Là. On va aller écouter ici une séquence que les méchants ils justifient leur position envers Gary, qui est le nouveau kidnappé. Là. Je ne partage pas votre enthousiasme. Nous ne devions utiliser que des clandestins ou des repris de justice, des apatrides. Andrews, il est en parfaite condition, c'est un spécimen très rare. Les autres n'ont résisté que 8 jours. Si nous pouvions améliorer nos résultats, ne serait-ce que... C'est un innocent, pensez-y. Messieurs, nous couvrirons tous les cas particuliers. Il est vraiment idéal pour notre programme. Regardez-le, il est en parfaite forme physique. Il fera un très bon soldat, capable de tuer sans hésitation. Si c'est pas standard. Vous pouvez bien injecter 200 cc. 200 cc du produit mystérieux qui porte un nom compliqué. Alex, écoutez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi. Je vais vous aider, calmez-vous. Je vais vous faire une injection. Le produit va vous bouler un peu. Évitez de trop vous agiter, sinon vous risquez de faire une hémorragie. Est-ce que vous comprenez? Aidez-moi. C'est Gary qui acte. Et là, il y a la musique d'action qui commence, c'est synonyme de Gary qui s'évade, parce que vous aurez bien deviné que ici, à 13 minutes du début du film, il se passe quand même des choses après. Et puis là, ben, ce qui se passe, c'est qu'il reste encore 5 beaux quarts d'heure de Gary qui s'évade des forces de la justice. Aïe. Mais là, on va y revenir, là, pour l'instant, on entend Gary taper un petit peu partout. Et sur ce fond d'auditif haut de gamme, je vais me permettre de lire ici la description du film Rage, paru en 1996, mettant en vedette Gary Daniels, acteur britannique avant la lettre. Donc, Gary Daniels nous offre, sous la direction des virtuoses du douteux que sont Pépin et Mary, sa plus belle performance. Une belle leçon de civisme en tuant une centaine de potentiels pères de famille et réussit à se débarrasser d'un sniper en hélicoptère à l'aide de ses seuls poings. Faut dire qu'il saute tôt, hein, parce qu'il y a eu 200 cc. C'est ça. Là, on va écouter Frank Zappa, Chic Yerbouti, ça c'est l'album. Jewish Princess, ça c'est la toune. Et puis, ben, assez salé, c'est le sujet. Voilà, on revient à 70%. I want a nasty little Jewish princess, la, la, la, with long bony nails and a hairdo that rinses. A horny little Jewish princess with a garlic aroma that could level Tacoma. Lonely inside. Well, she can't swallow my pride. I need a hairy little Jewish princess, la, la, la, with a brand new nose, who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess with overworked gums, who squeaks when she comes. I don't want no coach. I just want a Yemenite hoe. I want a darling little Jewish princess, la, la, la, who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a pee-pee that's snapping. All up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top. Everybody twist. I want a funky little Jewish princess, la, la, la, a grinder, a bumper with a pre-moistened dumper, a brazen little Jewish princess, ayo, with titanic tits and sandblasted zits. She can even be cool, so long as she does it with four of the princess, la, la, la, with a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess, hi-yo, with Romanian thighs, who weasels and lies for two or three nights. Won't someone send me a princess who bites? Won't someone send me a princess who bites? Won't someone send me a princess who bites? Ici André Arthur de la radio à Montréal, bande de BS. Vous écoutez 70% sur choc.fm. Au moins, ils ont un job, eux autres. Pas comme moi qui est simple député. Et c'est au son de la fanfare que je suis fier d'annoncer que c'est en 1961 que Pierre Georges, professeur alors à la Sorbonne, refondu sa deuxième édition du livre « L'économie de l'Europe centrale ». J'ai ici le dit livre juste devant moi. Et pour notre... Je vais essayer de rester sérieux parce que c'est quand même un sujet très, très, très sérieux. L'économie de l'Europe centrale, slave et danubienne par Pierre Georges des Presses Universitaires de France. Donc, j'ouvre un petit peu au hasard parce que c'est un sujet qui universellement nous intéresse. Et je commence ici au paragraphe en bas à droite parce que je pense à Chad McQueen. Et voilà la coordination internationale très importante dans le domaine de l'économie. L'option économique vers le socialisme, à une époque où les relations internationales se tendaient entre l'Union soviétique et les pays capitalistes, eut comme conséquence l'interruption des relations commerciales entre les pays de l'Europe centrale et orientale et les pays de l'Ouest. Il n'y a pas à proprement parler de rupture des relations commerciales, mais le refus de la part des pays membres de l'OTAN d'exporter tout produit et matériel contribuant à l'accroissement du potentiel militaire des pays de l'Est revenait à un arrêt des ventes de tout ce dont ces pays avaient précisément besoin, l'équipement industriel se confondant dans les faits avec un accroissement du potentiel militaire. Ce ne fut pas une des moindres causes de difficultés et d'échecs de certaines entreprises des plans de République populaire. En contrepartie, l'Union soviétique a signé des traités de commerce bilatéraux avec chacune d'elles, sur la base d'une planification comptabilisée des échanges. Et les divers États ont, de leur côté, conclu des traités de commerce du même type. Le caractère commun à tous ces traités de commerce est de s'insérer dans les mécanismes de planification. deux points. On établit un accord d'échange avec un partenaire pour s'assurer les approvisionnements nécessaires pour la réalisation du plan. Mais en contrepartie, on doit tenir compte, dans l'élaboration du dit plan, de la nécessité de produire, ce qui permettra d'équilibrer les importations, projetant en considération des besoins du partenaire et de ses propres aptitudes productives. Le plan fixant à l'avance les prix de revient et les prix de vente, les traités sont conclus sur la base des prix fermes à chaque échéance. Ils sont toutefois révisés d'un commun accord chaque année pour coordonner l'ensemble compliqué des échanges bilatéraux et des programmes de production corrélatifs. Un comité de coordination économique a été créé sous le nom de Conseil d'assistance économique mutuelle, ou pour faire plus court, le CAEM. Souvent considéré comme la version économique du pacte de Varsovie. Oh, c'est intéressant, on en apprend. Le Conseil d'assistance économique mutuelle fonctionne comme un organisme de coordination commerciale et économique, mais aussi comme système d'assistance technique permanente. Attention! Les décisions générales sont prises en réunion du Conseil à tour de rôle dans une des capitales des États intéressés. Ouais, tiens, pour mettre un petit peu de challenge, je vais aller sans ponctuation, ça va être super. URSS comprise. Mais par ailleurs, des commissions spécialisées des instituts de recherche, y compris un institut commun de recherche nucléaire, travaillent en permanence à élever le niveau technique de chaque branche d'industrie national au degré le plus élevé. Taux de coordination, c'est assez. En tout cas, là, ce que vous venez d'avoir, là, c'est une page et demie d'un traité de Pierre-Georges, professeur alors à la Sorbonne, qui dure 128 pages, sur, bien sûr, l'économie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'économie slave et de Biélorussie. Pour faire suite à ça, je pense qu'on va aller écouter la trame sonore. En fait, on va écouter Snakey Shanty, ça, c'est la toune qui joue tirée de Donkey Kong Country 2. Là, ça va être Ran, le fils des ours farouches. Lui, il est correct en sapristi. Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Yeah. Les fantastiques aventures de Monsieur McDonald au pays des merveilles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, fuck! Kelly! Mais qu'est-ce que vous foutez, Kelly? Ici Kelly, j'écoute. Faites ce que vous voulez, mais quoi, c'est ce type, c'est bien clair? Oh, très clair, je vous reçois 5 sur 5. Ne vous dégonflez pas, Kelly. Ah! Chester, arrêtez-moi ce bus! Stop! Arrêtez! Arrêtez! Arrête. Kelly? J'ai pris en chasse. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai un bus. Je vais rattraper notre gaillard. Donc là, il a décidé de réquisitionner un autobus jaune pour enfants pour courir après Gary Daniels, qui lui a pris une espèce de grosse vanne citerne qui va exploser avant longtemps. Rage 1996, une production Pépin Méry. Pépin Méry qui ont l'honneur d'être probablement le duo de producteurs-réalisateurs qui a gaspillé le plus d'argent. Ce duo qui a fait des films comme Roboflick 2, Roboflick 1, L'Homme Hologramme, j'en ai tellement, TC 2000, celui qu'on est en train d'écouter, Rage, l'autre Ravage, encore avec Gary Daniels la même année, Pépin Méry, qui porte un petit peu le même nom que l'espèce de duo cocasse qu'il y avait dans la trilogie qui a pogné dernièrement, là. On va retourner à notre trame sonore de fond habituel, les Seigneurs des Anneaux, là. Ouais, il y a deux lutins, là, ils s'appellent Pépin puis Méry. Là, ben, il y a Pépin et Méry qui font de la merde. Fait que, je veux dire, si vous êtes pas capable de vous en rappeler, là, on peut pas faire plus mnémonique que ça comme truc. Sinon, de quoi je parle? Je pense que je vais lire ma petite chronique que j'ai écrite jadis et que j'ai pas encore lu jamais parce qu'on avait tout le temps des invités intéressants. Puis là, ben, je me retrouve seul. Fait qu'aussi bien recycler du vieux stock qui est encore d'actualité. Elle s'appelle L'âge du recyclage pendant qu'on a encore Donkey Kong Country en background. Donc, qui ne recycle pas? Moi, comme je recycle, je suis meilleur que tous ceux qui viennent de répondre par l'alternative. Je suis meilleur parce que ma conscience sociale est tellement meilleure que la vôtre. À moins que vous ayez répondu non pour des raisons religieuses. Ben là, c'est correct. Raisons religieuses ou question de valeur personnelle? Ah ben, une question d'allergie, ça passe aussi. Ben, tout comme le fait de trouver ça dégueu de jouer dans les déchets. J'accepte également le manque d'envie, la critique envers le système et le bon vieux nihilisme. Ah, puis finalement, le manque de temps, parce que ça arrive des fois, là, je veux dire, c'est humain de manquer de temps des fois. Mais bon, on va poursuivre. Moi, si j'étais pas meilleur que vous, c'est sûrement la critique envers le système que je choisirais comme défaite. Non, mais tu sais, c'est vrai. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut recycler. Pourtant, je suis sûr que la majorité des gens qui sont en train de m'écouter n'ont aucune idée de ce qu'est un éco-centre. Eh ben, moi, je suis si tellement supérieurement meilleur que je vais vous expliquer ce qu'est un éco-centre. Un éco-centre, c'est une bâtisse qui contient des employés payés par nos taxes municipales et qui travaillent à redonner vie à des matières plus difficiles à recycler que le papier et la vitre. Parce que, le saviez-vous, c'est inutile de jeter votre vieux vidéo au recyclage pour la simple et inexplicable raison que les gentils employés qui font le tri des déchets n'ont même pas accès à un bac écrit éco-centre dessus. Donc, au lieu de rediriger le vidéo en question vers une instance capable de s'en occuper, en l'occurrence ce mystérieux éco-centre, les préposés au recyclage ne font que déposer dans les poubelles. Si c'est pas un exemple de mauvaise volonté, là, hein? Mais à leur défense, on peut citer la logique. Elle est pas mal tout le temps présente, c'est dur de faire comme si elle était pas là. La logique veut que les camions qui ramassent le matos à recycler aient tendance à broyer et compacter assez serré ce genre d'ex-appareil électroménager, histoire de ne pas faire 400 allers-retours dans la même journée, ce qui serait un petit peu pas mal cher en... Bon, tiens, après tout, à quoi bon recycler pour mieux polluer si le coût environnemental revient plus élevé en dinosaures morts que ce que ça aurait été au départ? Bon, je vois cependant pas où est le problème. On n'a rien qu'à ajouter une espèce de remorque au camion, puis d'écrire sur la remorque éco-centre, puis quand elle est pleine, ben de les jeter aux poubelles ou de pas les ramasser comme il aurait fait si ça avait été une vidéo. Ah tiens, J'en ai une autre idée. On devait peut-être justement se concerter et épuiser au plus vite toutes les réserves de ce satané pétrole. On serait bien obligé de sortir pour de vrai le fameux moteur à l'eau. Car moi, je me souviens de la pub de GMC qui se vantait de bientôt pouvoir nous offrir un véhicule fonctionnant à un carburant qui permettrait de prendre un bain chaud en arrivant à Gaspé. Moi, je m'en souviens, hein, c'était fin 90. Moi, je m'en souviens de la pub. Pourquoi je suis seul? Mais le mouvement semble déjà commencer, car quand on regarde la moyenne des passagers de chaque voiture sur les routes, on se rend compte que nos concitoyens ont déjà commencé à vraiment brûler, à s'attaquer aux réserves de pétrole, parce que, franchement, la moyenne des passagers dans les voitures sur les routes, ça doit être de 1,2 par véhicule. Bon, tout le monde veut que tout le monde fasse sa part pour l'environnement, et pourtant tout le monde se promène seul dans sa voiture. Comme j'ai établi au début du texte mon meilleurisme, je me permets par la présente de critiquer tous les êtres humains de ce monde qui se baladent pratiquement tout le temps en solitaire dans leur auto. Donc, pour conclure ce texte tout en rebondissement, je vous conseille de 1. Découvrir où est l'éco-centre de votre quartier pour y amener les objets les plus difficiles à recycler, et 2. Ne plus acheter de GMC parce qu'elle continue à rire de nous en longueur, ces trois lettres-là. Ah, et puis faites donc plus de bicyclettes parce que ça garde sexy et puis ça se déplace quand même assez vite. Hey, là, pendant que vous êtes toutes mous, là, que vous vous laissez baigner, là, on va écouter juste le début de cette tune-là pour que ça fasse mal. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on! Ah, hey, ça, ça a pas de bon sens, sérieusement, là. On va aller écouter quelque chose qui a bien plus de sens, qui a jamais joué à Radio Énergie. Spectraman, la tune thème. Oh, ça, c'est fort. À tantôt. Mais qui est Spectreman? qui est Spectreman? En fait, Spectreman, c'est le nom que les diffuseurs ont décidé. Je crois que c'est Bandai, la compagnie. Je suis pas sûr, là. Mais je suis sûr, par contre, que Spectreman, c'est le nom qu'a pris Ultraman pour être diffusé en Europe. Et puis, ben, il a jamais vraiment été diffusé en Amérique du Nord. Là, juste par Internet ou... Je crois qu'il y avait peut-être quelques cassettes dans les clubs vidéo des compilations, mais ça n'a jamais été la télésérie que les Français ont pu connaître. Au début des années, ça date de 1970, là, fin 70, début 80. Le bon vieux Spectreman, comme on vient d'entendre. Pour l'instant, on va aller écouter encore une séquence du divinissime Gary Daniels, qui, encore une fois, ben non, c'est vrai, pardon, cette fois-ci, c'est le journaliste. Parce que ça arrive souvent dans un film d'action que tout le monde pense que le héros est méchant, qu'il y a un journaliste qui, lui, voit plus loin que l'espèce de setting, qui, lui, voit derrière les apparences et sait que Gary Daniels, même s'il a tué 15 policiers et puis que c'est le fugitif le plus traqué de l'Amérique, ben, il est du côté des gentils. Donc, on va aller écouter ici l'introduction, peut-être, de notre ami le policier très fade. Éteint la lumière. Je veux savoir s'il tient sa brosse à dents de la main droite ou bien de la main gauche. Je veux savoir s'il s'intéresse aux écolières en soquette de dentelle des institutions catholiques. Au petit-déj, est-il bacon ou yaourt? Où est Burson? Mais merde, où est-ce qu'il est? À la décharge de produits toxiques près de Lancaster. Dans ce cas, c'est toi qui couvriras cette affaire. Je couvre déjà le procès Baker. J'interviens aux infos de 6 heures. Tu veux que je laisse tout tomber? Alors, toi? Ah non, pas moi, Charlie. J'ai mon sujet à finir. Nom de Dieu, mais qui est-ce qui reste? Johansen. Johansen, viens, j'ai à te parler. Ouais. Charlie, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Je voudrais t'en y arriver. Alex Guinness, fugitif ou instituteur de CE1. Nous tâchons de répondre aux questions que vous posez. Bon, c'est ça, là, il est introduit. On a notre ami, le journaliste, qui va mener son enquête en parallèle. Là, je vais juste avancer un tout petit peu. Bon, on est dessus. Tu n'es plus détective, traite-le en professionnel. Prends Bobby avec toi. Harry, je suis là. Attends, Charlie. Elle aussi, elle débute. Je peux prendre Froggy. Non, il n'est pas libre. Mais comment ça? Il n'a rien à faire. Je viens de le voir au bar. En clair, il refuse de bosser avec toi. Mais comment ça? Il refuse de bosser avec moi. Il ne veut pas travailler avec toi. Enfin, Charlie, t'es le patron. Tu peux l'obliger. Harry, si je virais tous les types qui refusent de bosser avec toi, il n'y aurait plus que toi, moi et le concierge. Ça y est, tu l'as décroché, ta mission. Rapporte-moi des renseignements utiles ce coup-là. Tu saisis, Harry? Oui, je saisis, Charlie. Et fais le ménage sur ton bureau aussi. Il y a tout un espèce d'employé comme ça qui est personnel, mais on sait pas pourquoi. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il nous est présenté et il est pas aimé. Oui, bien sûr. Va chercher la camionnette, je t'attends devant l'entrée. Et écoute, Harry, puisque je vais travailler avec toi, autant que les choses soient claires. Je suis ton caméraman, je ne suis pas ta boniche. Et je ne t'apporterai ni ton café, ni ton verre d'eau, ni tes croissants. Et ton sac, c'est toi qui le porteras. Va chercher la camionnette et passe me prendre devant l'entrée. C'est comme Madame le juge. On dit pas Madame la caméraman, oui. On dit Madame qu'est-ce le caméraman. Ça doit faire drôle d'être un croisé. Le genre croisé qui se bat pour faire coffrer un dignitaire étranger trafiquant de drogue. Si tu comptes faire carrière, c'est très imprudent. Tu crois? Il faut parfois oser dénoncer les combines. Je constate que je suis le seul vrai journaliste de cette rédaction. La jeune génération me paraît peu téméraire. Vous, vos investigations, c'est trop souvent au niveau du trou de balle que ça se tient. Me demandais ce qui schlinguait dans le coin. C'est les dossiers qui pourrissent dans tes tiroirs. Hé, hey, Johansen. Quoi? Tu nous l'épingles, celui-là? Quelle ambiance de bureau sympathique. On va l'écouter ici, Mark Knopfler, le main man de Dire Straits, qui a fait une tune qui s'appelle What It Is. Pas mal bonne. Une espèce de petite introduction là, par ce clip. Là, il y a le char, là, puis là, il y a la fille qui fait un stall. Là, elle sort du char, puis là, ça commence. Fait que, je vous laisse avec ça, on vient à 70% à parler des vraies valeurs avec Gary Daniels. Somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is. dust on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. Sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows. Stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Hansen, tu bois de quoi? Hein? Non, c'est juste une égratignure. Cette fois, tu peux dire que tu l'as eu dans le cul. Oh, tes blagues sont éculées, Chris. Ça date. Faut pas tourner les choses au noir. Pourquoi tu dis ça? Parce que al noir, al salat. Oh, ça n'a pas d'essence, ce que tu dis. Oh, il y avait de l'humour là-dessus, hein. Ben, là, en background, il y a l'alarme de feu qui est partie ici à chaque FM et personne ne sait quoi que faire avec ça. Si vous avez un petit bruit fatigant, dites-vous que moi, je l'ai encore plus fatigant ici en background. Pour l'instant, ce qu'on va faire sur fond de Disco Train, une trame sonore, bien sûr, de Donkey Kong Country 2, je vais lire la petite fiche biographique que j'ai écrite de Gary Daniels, le héros du film Rage, qu'on est en train d'écouter en séquence d'extrait ici à 70% et qu'on va écouter juste après en visionnement dans les studios de Choc. Donc, Gary Daniels, par où débuter un exposé sur Gary Daniels, un acteur capable de monter sa jambe par-dessus sa tête? Ben, par son surnom, évidemment. Car comment prendre au sérieux un acteur qui se fait appeler Danger Man? Danger Man, donc, est né le 9 mai 1963, ce qui fait qu'il est taureau. D'origine anglaise, Danger Man s'est fait découvrir dans les années 80 en gagnant plusieurs gros tournois d'arts martiaux en Californie. Et, comme c'est si souvent le cas, un producteur a vu en ce sportif accompli le potentiel d'un acteur de films d'action douteux. Côté filmographie, celle de Danger Man a de quoi attirer l'attention. Plus de 17 films. Ben en fait, 17 films en 8 ans, de 92 à 2000. Là, il y en a fait d'autres après, mais ça, c'est pas mal, sont plus juteux. Et fait miraculeux, aucun de ces 17 films n'est en haut de moins 3. Ça veut dire que en haut, c'est moins 2 et meilleur. Non, non, c'est moins 3 et moins bon. Les Pics Notables est en Rage en 1995 et Recoil en français Ravage en 97. Non, Rage en 96 par contre. ce qui veut dire que Rage et Ravage, c'est les deux meilleurs films de Gary Daniels. Ces deux films sont sans contredit inclus dans la liste des 17 meilleurs douteux de la fin du dernier millénaire. Rien de moins. Dans Rage, un film à voir absolument, et celui duquel vous avez des extraits, Danger Man devient Alex, un décalque de son seul et unique personnage qui, cette fois-ci, est professeur dans une école primaire. L'action débute lorsqu'un groupe obscur de l'aile néolibérale du gouvernement des US of A décide de cloner le dit professeur pour en tirer une armée invincible. Mais en fait, ouais, c'est un petit peu ça le but, là. C'est parce que lui, il est comme l'espèce de cobaye premier qui réussit à passer au travers de l'expérience. Donc, on s'en doute, Gary se sauve à grand renfort de sa vatte et revient donner une belle leçon de civisme. Phrase citée intégralement à la fin du film et que vous allez avoir le bonheur d'entendre bientôt. En tuant une quatre-vingtaine de méchants militaires. À noter la plus longue séquence de ralenti avec des fenêtres qui éclatent lors du combat final dans le centre d'achat. Incroyable. D'ailleurs, j'ai fait un panneau pour qu'on compte le total tantôt ici dans les studios de Choc en écoutant le dit Rage. Donc ensuite, dans Ravage, en 1997, Danger Man réutilise le seul rôle de son répertoire pour devenir le détective Ray Morgan. Vraiment un nom de héros des plus plastiques. Donc, Ray Morgan est un policier qui tue le fils d'un gros bonnet de la puissante mafia de Los Angeles dans une fusillade. Ensuite, il perd, dans l'ordre, son coéquipier noir, dont l'explosion de la voiture rend encore nos rêves les plus douteux, son emploi, sa femme, ses enfants, sa santé et finalement la confiance de ses amis. Bon. Est-ce que c'est assez personnel à votre goût comme vengeance? Pour toutes ces raisons, Ray Morgan décide dans l'ordre toujours de s'entraîner, puis de se venger. L'attaque à main nue du traditionnel... Bon, voyons. Pardon. L'attaque à main nue du traditionnel entrepôt désaffecté bourré de truands armés jusqu'aux dents constitue, sans contredit, un divertissement douteux des plus raffinés. Le film s'appelle Recoil ou, en français, Ravage, la note moins 8. Mais en fait, Rage et Ravage, deux bijoux sûrement encore disponibles dans quelques clubs vidéo qui se méritent moins 8 chacun. Après avoir discouru sur l'œuvre, passons à l'artiste. Que son travail lui demande d'interpréter un professeur du primaire, un détective de police, le héros de l'adaptation cinématographique de la célèbre bande dessinée nippone Fist of the North Star, un membre de la Cosa Nostra chinoise, une recrue de kickboxing qui s'entraîne pour se venger, Gary Daniels n'a qu'un seul personnage. Grand et bâti, le joli Gary arbore toujours fièrement un gilet serré doté d'une large encolure. Cette encolure, qui laisse percer son poitrail musclé et imberbe, sert également de temple à un symbole chrétien, nous rappelant à tous qu'il est du bon côté de la morale. Un corps tout en superficiel, surmonté d'un petit visage en triangle au sourire hypnotiquement fendant, au petit toupet sombre toujours bien peigné. Le tout forme une belle coquille vide, se voulant symbole de droiture morale et qui, paradoxalement, répond à chacun de ses problèmes en mettant son pied dans le visage d'autrui. En conclusion, Gary Daniels est un très très très mauvais acteur qui dérive tranquillement mais sûrement et heureusement vers une carrière d'entraîneur privé ou de vendeur de voitures. Si c'est pas du blindé, ça, je sais pas ce que c'est. Là, la dernière qu'on a entendue, c'était Mark Knopfler. Ça, c'était une bonne, hein? Là, on va aller en écouter une un petit peu douteuse. Là. On poursuit notre spécial de Toontem. On poursuit notre spécial de Toontem d'émission et puis ben, je vais aller voir s'il y a moyen d'arrêter ça, ce bruit-là, c'est assez tapant. Voilà, à 70%. Attendons. Je vous dis même pas c'est quoi la prochaine Toontem parce que vous allez voir, c'est douteux. totalement interminable. Moi, j'ai les Mighty Morphin Power Rangers. Je suis seul en studio. En background, on a la sonnerie ici parce qu'il y a une alarme. En fait, je me sens super rebelle parce qu'on vient de me dire qu'il faut que j'évacue. Mais comme il me reste 10 minutes d'émission de radio à faire, puis que je m'en voudrais de m'en aller, ben, j'ai décidé de rester là. Je pense pas que ça va me tomber dessus. Ah, ben, le monsieur, il a l'air de... Ah non, ils s'en vont ailleurs. Bon, mais ce qui va me permettre de vous parler... Oh, on a un petit extrait, là. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de faux. Faites pas le con, Philippe. Écoute-moi. Tous les deux, on peut se faire du fric. Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je ne trahirai. Si tu me tues, Philippe, mon frère prendra sa revanche. Les Japonais mettent ta tête après, Philippe. Je m'excuse, petit con. Mais non, c'est toi qui vas mourir que là! En fait, ça avait absolument pas rapport avec Rage. Rage, voici des extraits de Rage. On arrive bientôt au speech final. Ça va être encore le journaliste, cette fois-ci. Il est questionné par ses pairs qu'on avait trouvé très intellectuels tantôt. Vous êtes resté avec Alexander Guenner entre 4 et 5 minutes. Que vous a-t-il dit? Il était innocent. Il n'est pas très bavard. Ah oui, il a aussi parlé de quelqu'un qui veut l'éliminer. Mais vous, c'est clair, vous n'êtes pas du tout au courant, n'est-ce pas? Vous devriez nous dire ce qu'il a en tête. Vous savez, c'est quoi déjà votre nom? Oh, suis-je bête, agent spécial Paris, c'est pas banal, ça vous gêne pas des fois d'avoir ce prénom de spécial? Arrêtez vos conneries, c'est un criminel, si vous l'aidez, vous risquez gros, Johansson. Vous voulez dire suspense. C'est très gros, Johansson. Les... Vous risquez monstrueusement gros. On y va un petit peu plus tard, encore le journaliste. Ne quitte pas notre précieuse cassette des yeux. T'inquiète. Très bien. Dis donc, Harry, tu lui as parlé? C'est sérieux, cette histoire? Raconte comment c'était. Il a dû avoir de super tensions. Ah ouais, c'est évident. Ouais, alors, est-ce que c'est lui qui a descendu le flic? Enfin, raconte-nous, c'est lui ou c'est pas lui? Lâchez-moi, vous me fatiguez. Oh, t'es dur, là. Laisse tomber. Vous êtes prêts? Tout le monde est en place? Ok, 45 secondes. John, non, ne discute pas. Il faut que je voie Charlie maintenant. Harry, ça va être à toi, donc... Oui, ma copine. Il n'y en a pas. Tu connais la procédure? Ouais, je connais. Désolé, je suis à la bourre. Tu le veux, le scoop sur Guenner ou non? Je veux surtout savoir ce que tu vas leur raconter. Je dois penser à mes 3 millions de téléspectateurs. Vas-y, pense à eux, et pendant ce temps-là, moi, je passe à l'antenne. Ça reste à voir. Écoute, Charlie, c'est l'actualité. Les téléspectateurs veulent qu'on les tienne au courant. Harry, pourquoi tu insistes? J'ai rencontré Guenner. Ils sauront tout ce que je sais sur lui. Les Dick, les Tom, les Marilyn scotchés devant leur télé apprendront la vérité. Fais-moi confiance pour une fois. Les Marilyn scotchés devant leur télé. Je sais ce que je fais, Charlie. Là, c'est pour le langue de pute, tantôt. Je ne devrais pas lui donner l'antenne. Ça, c'est ses collègues qui viennent parler de lui. Tais-toi, langue de pute. Voilà, langue de pute. Bon, OK, on va écouter une parodie du Cellulaire est belle. Puis après ça, on va avoir le speech de la fin de Rage, qui est quand même assez merveilleux. Là. C'est dur de montrer à la radio des vitrines de centre d'achat qui explosent ou des savates de Gary Daniels ou des explosions de Pépin Méry. Mais faites-moi confiance, ça vaut la peine. C'est pas pour rien que j'ai amené ce film-là en particulier à visionner ce soir à Choc. Là, pour l'instant, on va écouter une parodie de publicité. C'est assez cocasse, là. 5 ou pas 6 mois, un maudit cellulaire. Tu vas pogner le cancer avec ton cellulaire. Tu chauffes comme un pépère à cause du cellulaire. Achète ton RR au lieu d'un cellulaire. Comme le maire de Val-Bélair, ton cellulaire coûte cher. Fais des appels pervers avec ton cellulaire. Tu sautes ta secrétaire grâce à ton cellulaire. Tu te grattes le derrière avec ton cellulaire. Les batteries sont à terre de ton crise de Luc de la Rochelière n'a plus de cellulaire. T'as des verrues plantaires, mais ça n'a rien à voir. Ça coûte cher en calvaire, un neuf petit cellulaire. Mais est-ce que tu vas voir les femmes tout nues avec ton cellulaire? Bisous sur le web à l'écran de votre téléphone grâce au forfait Parler Surfer de Belle Immobilité. Un accès direct au site doublepip.com, goldensnatch.ca, gangbang.net, bigboobs.qc et thebestofvez.com. Le nouveau forfait Parler Surfer, seulement 4,95 la minute. Cellulaire? Plaisir solitaire? Oh, c'est cocasse. Pendant ce temps-là, moi, je vous ai préparé la séquence finale de Rage. Vous avez en fait le speech final du journaliste. Là, un coup que Gary a tué tout le monde. Là. On va écouter ça, puis je vous reviens pour le mot de la fin juste après. Hier, un de nos concitoyens, seul contre tous, a donné une leçon au pays tout entier.

hein. J'étais tout seul, j'ai pas eu le temps de parler de tout ce que je voulais parler. Quand même, on a eu du plaisir, j'espère. Les aventures des pompiers, on va s'en rappeler tout le temps. Ils ont l'air d'une vraie fourmilière à l'extérieur. Ici, c'est quand même assez tranquille. On est avec Doug Babylon qui flingue. On a eu Rage avec Gary Daniels. Et on s'en va, j'espère, écouter Rage dans les studios de Jog FM. D'une façon ou d'une autre, merci beaucoup. Vous avez écouté 70%. Quant à mon collègue Simon-Pierre, les fans, vous allez devoir vous en ennuyer pendant encore quelques semaines. Le monsieur a besoin d'une pause. Hein. C'est fragile, ces bébites-là. Faut faire attention. On va essayer de trouver d'autres bons collègues. D'ici là, vous avez notre belle toune de générique de la fin. Fort, hein? À la prochaine, c'est Tommy Godette. Salut, ça a été un plaisir.